là, hein, que quelqu'un, exemple, fait une blague de mauvais goût sur un lave-vaisselle, ben là, pouf! Elle sort. À chaque fois qu'il y a un calendrier de belles filles qui est disponible à quelque part, pouf! Elle sort. Sinon, on les voit jamais. J'ai posé la question sur ma page Facebook. Avez-vous déjà eu recours au conseil du statut de la femme? Pas eu beaucoup de réponses, hein? Pas grand monde sont allés voir le conseil du statut de la femme pour avoir de l'aide. En fait, tu vas pas voir le conseil du statut de la femme pour avoir de l'aide. 3 millions, près de 4 millions de dollars en subvention. J'aimerais regarder les comptes. On parlait des délégués syndicaux tantôt, savoir aussi qu'ils vont aller manger ce midi après leur réunion là pour la pause au centre des congrès. J'aimerais ça regarder, moi, les comptes de dépenses du conseil du statut de la femme. Hey, 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, on a un YWCA ici, là, à Québec, là. Je pense qu'eux autres, ils feraient quelque chose de plus intéressant. Donner directement avec cet argent. Au monde dans ben, le besoin. Je pense que oui. Je pense pas, c'est comme la Fédération des femmes du Québec, avec en tête Alexa Conradi. C'est, je veux pas être plate, là, mais la Fédération des femmes du Québec, c'est juste une branche de Québec solidaire, là. Puis eux autres aussi, c'est la même affaire. Fédération des femmes du Québec, t'es vois pas ben ben sortir quand c'est des enjeux majeurs, mais quand c'est des conneries, une fois de temps en temps, ils sortent du lot. Et j'ai vérifié pour les chiffres. Puis je regardais la Fédération des femmes du Québec. Combien qu'on leur donne par année en subvention? C'est comparable à non. La Fédération? Non, pas du tout. Non, supérieur? Non, pas en tout. Moins que ça. C'est 150 000 piastres qu'on leur donne par année. 150 000 piastres de la Fédération des femmes du Québec. Jusqu'à maintenant, là, j'ai regardé ça au cours des 15 dernières années, là, c'est 1 355 930 piastres qu'on a donné pour la Fédération des femmes du Québec. Qui a à sa tête Alexa Conradi? C'est l'ancien président de Québec solidaire. En fait, c'est pas compliqué. Françoise David était là. Ils ont juste fait un switch. Françoise David est à la Fédération des femmes, puis Alexa Conradi aussi est à Québec solidaire, puis ils ont juste switché de poste, là. Alexa Conradi, c'est l'ancienne conjointe de Manon Massé. D'autres organismes. Le FRAPRU. On entend parler du FRAPRU, hein, de ce temps-ci? On a entendu parler? Ben, ils font partie de la manifestation. Ils font partie aujourd'hui. Également de la manifestation. Ouais, avec François Saillant. C'est lui le coordonnateur du FRAPRU. Il est candidat de Québec solidaire dans Rosemont. Fait que c'est toujours la même gang. On donne 114 000 $ par année au FRAPRU. 114 000 $ par année pour organiser des manifestations puis sortir une fois de temps en temps. T'as la Ligue des droits et libertés aussi. Connaissez-vous la Ligue des droits et libertés? On n'entend pas parler beaucoup de cet organisme-là, mais vous avez Manon Massé qui est là-dedans. Puis la Ligue des droits et libertés, qui est un organisme qui est supposé là défendre les droits et libertés, mais ils font pas mal aussi dans le politico-social, là. Ils sont très forts là-dedans, reçoivent 200 000 piastres par année en subvention. Donc, ça beaucoup, moi, pour un organisme que personne connaît puis qui sert pas à grand-chose, là. Je pense qu'il y a moyen de couper, tout seulement. Je pense qu'il y aurait moyen de couper un peu là-dedans. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que ces groupes-là qui sont supposés d'être là pour aider les gens sont plus souvent là pour faire de la politique que d'autres choses. Mais quand j'ai vu ça, 3 800 000 conseils du statut de la femme, je me dis qu'il y a peut-être des femmes qui sont vraiment dans le besoin, des gens qui sont dans le besoin, qui mériteraient d'avoir cet argent-là, au lieu d'avoir un conseil qui sert absolument à rien. Là. Mais je t'avouerais que ce qui m'agresse le plus en ce moment, puis il y en a tous les jours des histoires comme ça, c'est tous ceux qui abusent en étant au cœur du système, c'est-à-dire oui. Des fonctionnaires, surtout les sous-contractants aussi, qui se trouvent finalement à faire exactement comme s'ils étaient embauchés par l'État, sauf qu'ils facturent en triple puis en quadruple. Oui. Pourquoi on fait pas le ménage là-dedans? Il y a bien plus d'argent à aller récupérer qu'en coupant dans le communautaire, en partant, là. Ben, il y a de l'argent à couper partout, en fait. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on est géré par des niaiseux, des imbéciles, des incompétents. Au ministère,